bon endresse et un peu blessé pour pévancer. Même si ni des fois nous pas fait attention, yo pardonné, c'est yo pas fait monter et un peu descendre. Pas oublier ça. Dans la vie faut rouler sans tête embêtée pour périver. Et on va faire monter et en plus descendre. Pas oublier ça. Dans la vie.